Extrait du Voyage en Orient, par Monsieur de la Roire, édition de Bécourt 1836. Chapitre 18. L'intérieur de Jérusalem. Nous nous reposâmes le 19, j'en avais bien besoin, mes sensations avaient été si vives, si multipliées, que ma tête était comme celle d'un homme que le délire vient de quitter, dont toutes les idées sont confuses, et qui n'a pas encore la force de fixer ses pensées. J'étais épuisé au point que je craignais que la visite du Saint-Sépulcre, que j'allais faire le lendemain, ne pourrait pas réveiller en moi la faculté de sentir. Je craignais que les objets ne passassent devant mes yeux, comme les ombres dans la nuit, sans réveiller aucune sensation distincte, ni laisser aucune trace durable. Cette disposition m'affligeait. Je m'en serais voulu de rester insensible à la vue du Saint-Tombeau. Je me trompais, l'impression que je reçus fut grande et solennelle. Ce n'était pas ce que j'avais éprouvé à Nazareth, au doux souvenir des scènes de l'enfance du Christ, ou à Tibériade, alors que Jésus, dans sa bonté, conversait avec ses disciples et instruisait les hommes par sa parole. C'était moins encore les souvenirs glorieux du Tabor, ou la tristesse accablante du mont des Oliviers. Mais j'éprouvais ce sentiment de douleur résignée que doit faire naître tout acte sublime et douloureux mais consommé. Des pleurs ne mouillaient plus mes paupières. Quelque chose de moins expansif, de plus concentré, remplissait mon cœur, et j'étais tenté de m'écrier avec le Sauveur mourant, « Consummatum est !» Certainement, si j'avais dû réveiller des impressions déjà senties, je n'étais plus capable d'un tel effort. Toutes les cordes qui avaient vibré s'étaient relâchées. Pour obtenir un nouvel effet, il fallait en toucher une nouvelle. Je ne croyais pas qu'il en existait encore. Mais qui sait où la sensibilité morale de l'homme finit? Le 20, nous retournâmes à Jérusalem. Arrivés près des portes, des gardes du gouverneur nous y attendaient et aidèrent nos soldats à empêcher toute communication entre les habitants et nous. Nous allâmes saluer les pères du couvent latin qui étaient en quarantaine. Ils vinrent causer avec nous du haut d'une terrasse qui donnait sur une petite cour dans laquelle nous étions. Le curé de Jérusalem nous y joignit et nous conduisit ensuite vers le Saint-Sépulcre. Ce que nous vîmes de la ville, en parcourant son intérieur, n'en donne pas une belle idée. Ses rues sont cependant plus larges et plus unies que celles des autres villes que j'avais vues jusque-là en Orient, mais elles sont aussi tristes et aussi sales. Dès notre arrivée auprès du monument du Saint-Sépulcre, on nous ouvrit. Je fus d'abord frappé, dès l'entrée, de voir dans ce temple chrétien des musulmans tranquillement assis sur leur divan, ayant le même calme et la même indolence que partout ailleurs, laissant entrer indistinctement tout le monde, pourvu qu'on leur paie le bachi. En réfléchissant à cet ur gardien de cette porte, je finis par me convaincre que la Providence ne pouvait avoir confié en de meilleures mains l'entrée de ce monument. Si les Grecs veillaient à cette entrée, probablement ils la feraient défendre aux Arméniens et aux Latins. Si une de ces deux nations pouvait en disposer souverainement, je doute fort qu'elle fût plus tolérante que les Grecs. Chacun voudrait posséder pour soi ce qui est maintenant une propriété commune à tous ceux qui portent le nom chrétien. Après avoir traversé cette espèce de vestibule, on nous conduisit dans une très grande retente formée par des longs piliers carrés qui soutiennent un large dôme. Nous rencontrâmes d'abord la pierre de l'onction. Sur cette pierre, qui présente un carré long, fut déposé le corps du Sauveur quand les disciples l'oignirent, avant de le placer dans le tombeau. Au milieu de cette rotonde est la chapelle du tombeau, divisée à l'intérieur en deux pièces. La première est l'endroit où l'ange se tenait quand il annonça aux saintes femmes la résurrection de celui qu'elles venaient chercher. La deuxième est le tombeau proprement dit. On entre par une porte très basse dans un espace carré de 7 pieds sur 8 environ. La moitié de cet espace, à droite, est occupée par l'autel qui recouvre la pierre sur laquelle était déposé le corps du Sauveur. L'autre moitié est de plein pied et permet à 3 ou 4 personnes bien serrées les unes à côté des autres d'assister aux offices qu'on fait à cet autel, au-dessus duquel brûlent 44 lampes en or. Le rocher du tombeau et du premier oratoire est partout recouvert de marbre. On a dû en agir ainsi pour le soustraire à l'indiscrète piété des fidèles qui en brisaient des morceaux pour les emporter. Une impression indéfinissable m'avait saisi en entrant dans cet étroit tombeau. Je voulais prier, je ne pouvais pas. Tant d'idées traversaient ma tête tumultueusement et sans suite, que je fus maintenu dans une distraction invincible. J'essayais toujours de réciter l'oraison dominicale, et jamais je ne parvenais à la faire. Je me trouvais assis près de ce tombeau, avec le plus vif désir d'exposer mes faiblesses et mes misères à celui qui l'avait contenu un instant, voulant prier pour ceux qui m'étaient chers, et l'émotion, le saisissement ne me le permettait pas. Ma volonté n'avait plus aucun empire sur ma pensée. Je voyais que là avait été porté supplicié, dans ce tombeau d'emprunt, celui qui était venu enseigner aux hommes qu'ils étaient tous frères, ayant droit au même héritage. À ces rapprochements, à ces souvenirs, mon âme était bouleversée. Pas même une pierre qui lui appartenait pour y déposer son corps déchiré. Lui, qui était venu donner sa vie pour le genre humain. Le Verbe qui avait dit « Je suis la voie, la vie et la vérité » avait reposé, à l'ombre de ce rocher, vaincu par la mort et accusé d'imposture. Quelques soldats d'un gouverneur de ville avaient tenu sous leur garde celui par qui les rois règnent. Le choc impétueux de ces idées et de 1000 autres m'empêchait de donner une suite à mes pensées, et je suis sorti du tombeau sans savoir ce que j'y avais fait. Si je n'y étais revenu une seconde fois, j'aurais revu mes foyers, après un si long voyage, et dans lequel le but principal avait été la visite de ce lieu vénéré, sans avoir pu y adresser une seule prière à celui qui a dit « Priez, vous recevrez ». Que la capacité de l'intelligence humaine est petite. L'homme, qui n'a pas le temps de faire succéder ses pensées avec ordre et mesure, en est accablé. Il n'y a plus dans lui qu'impuissance, confusion et désordre. Il a beau vouloir les diriger, ses impressions l'importent, et pour trop sentir il est comme annulé. Quand le calme renaît, il regrette ses précieux moments, comme des moments perdus, et il se plaint d'avoir si mal usé de ces torrents de pensées qui l'inondaient. En sortant, vous voyez en dehors, contre le tombeau, mais à l'extrémité opposée à l'entrée, la chapelle des chrétiens coptes, autour de la rotonde qui renferme le monument du Saint-Sépulcre, sont des bas-côtés où chaque nation a ses oratoires particuliers. Les Grecs y ont une église entière dont le dôme couvre en partie celui du Saint-Sépulcre, quand on examine Jérusalem de la montagne des Oliviers. Cette église est très belle et très richement ornée. Dans ces mêmes bas-côtés sont aussi les tombeaux de Godefroy de Bouillon, et d'Eustache, son frère. L'escalier par où l'on descend vers l'endroit où Sainte Hélène découvrit la vraie croix, et près de là celui qui conduit au calvaire. Le calvaire, de même que le tombeau, est recouvert de marbre. Des grillages vous permettent de voir le rocher à nu aux endroits où furent plantées les 3 croix, et là où il s'est fendu. De toutes les chapelles que j'ai vues, Celle des chrétiens coptes est la plus pauvre, c'est la seule qui soit adossée au tombeau même, elle est sans ornement, les portes se tiennent à peine sur leurs gonds, tout annonce la misère de ceux qui veillent à son entretien. Il n'en prie cependant pas avec moins d'ardeur ni avec moins de confiance celui qui, dans ce lieu, mourut dénué de tout. Quoiqu'il n'ait que leur pauvreté à lui offrir, des prêtres de toutes les nations parcourent le parvis du temple, desservent le Saint-Sépulcre, et entretiennent les lampes nombreuses qui brûlent sans cesse. Tous ces peuples, qui souvent se détestent et se persécutent, unis dans un même culte auprès du tombeau du Christ, présentent quelque chose de consolant. Tous liens ne sont donc pas rompus entre les chrétiens. Il existe donc encore un lieu au monde où tous viennent adresser leurs prières à leur maître commun. Quand Dieu, dans sa bonté, voudra opérer l'union générale, j'aime à croire que c'est de son tombeau que cette union sortira. Trois nations principales y dominent les autres, les Arméniens, les Grecs et les Latins. Une rivalité continuelle les anime. Plus à Dieu que ce fut pour le bien, et que la charité n'eut jamais à pleurer sur leur conduite. Nous quittâmes ces lieux qui, jadis, à plusieurs reprises, avaient attiré presque tout l'Occident à leur délivrance. Maintenant, il n'y a plus que quelques rares pèlerins latins qui viennent prier, là où la foi avait conduit Godefroy de Bouillon et tant de héros chrétiens. Sortant du temple, nous voulûmes suivre la voie douloureuse. Ce chemin, qui commence au palais de Pilate et finit au calvaire, monte doucement, mais continuellement. Des tronçons de colonnes couchés contre les maisons indiquent aux fidèles les différentes stations. Il est cependant nécessaire que celui qui fait ce chemin pour la première fois soit accompagné d'un guide, car ces marques ne sont pas assez sensibles pour le conduire. En suivant cette voie si fameuse et si souvent décrite, l'âme est navrée de tristesse. Celui qui l'a parcourue, chargé du fardeau mystérieux de sa croix, accablé de toutes les misères humaines, accomplissait un sacrifice volontaire, non pas pour un peuple, pour une génération, mais pour tous les peuples et toutes les générations. Dans quel âge, chez quelle nation peut-on trouver rien de pareil, d'aussi universel, d'aussi immense? L'esprit de l'homme se refuse à mesurer l'étendue de ce sacrifice. Suivons l'homme Dieu dans ce chemin sublime. Chez Pilate, nous le voyons devant ce juge qui a le désir d'être juste, mais que sa faiblesse rend prévaricateur, qui, placé entre la justice à rendre à un innocent et la crainte de César, sentit faillir sa conscience, et fléchit devant les passions populaires. C'est au sortir de cette maison, près de cette porte, qu'on chargea les épaules du Sauveur des hommes de sa croix, de cet instrument d'esclavage et d'infamie, qui, depuis lors, est devenu l'instrument de la liberté, la bannière des rois et la sauvegarde des peuples. Ce fardeau devient bientôt trop pesant pour l'homme, il tombe, il tombera encore, et jusqu'à trois fois. Mais chaque fois il se relève, une nouvelle résignation l'anime, il fait un nouveau pas vers le but qu'il veut atteindre, et pour lui rien n'est fait si tout n'est consommé. Après sa première chute, il rencontre sa mère. Cela devait être, jamais une mère ne manque dans la peine et l'affliction, elle a encore des consolations là où il n'y en a plus à espérer. Ses épaules faiblissent sous tant de poids, et ses bourreaux, craignant qu'il ne pût aller jusqu'au bout, forcent un homme du peuple qui passait par hasard à venir à son aide. C'était Simon le Cyrénéen. Par ce simple acte, le nom de Simon s'est associé à l'immortalité de celui du Christ. Que de fois le secours, dans l'affliction et la tristesse, Ne vient-il pas du côté où on l'attendait le moins? Secondé ainsi, il continuait sa pénible marche. Sainte Véronique lui essuie le front couvert de sueur et de sang. Encore une femme qui le console. Plus loin, il fait sa seconde chute, et, quelques moments plus tard, les filles de Jérusalem viennent pleurer sur lui. Dans ces moments d'angoisse, il trouve pour elles des paroles de consolation. Dans tout ce chemin, des femmes seules se présentent devant lui, viennent volontairement prendre part à ses souffrances pour les adoucir. Il n'est fait mention d'aucun homme. Et ce n'est que sous la croix qu'on rencontre le disciple bien-aimé. Aussi la femme seule possède des ressources pour tous les besoins et du zèle pour tous les dévouements. Avant d'arriver sur le calvaire, l'homme Dieu retombe encore, il ne lui reste plus à faire qu'un dernier effort pour arriver sur le lieu de son supplice. Là, on le dépouille de ses vêtements, on l'attache à la croix, et l'élevant aux yeux de tous, il meurt pour tous. Sa mission de souffrance est finie, l'expiation est faite, et une nouvelle loi, une loi d'amour est donnée au monde. Ce Golgotha, placé à côté du chemin, près de la principale porte de la ville, était infâme. Les voleurs y étaient exposés aux yeux du public, mais la mort du juste l'a sanctifié. Maintenant, renfermé dans la ville, soustrayant aux injures de l'air, chaque chrétien le vénère et vient y apprendre à souffrir et à pardonner. Assistant avec un recueillement religieux à la descente de la croix, vous suivez le corps du Christ sur la pierre où il fut oint. De là vous le conduisez au tombeau, et le cœur se repose à côté du divin Sauveur. Vous sortez de ce tombeau sous l'impression de ce long et douloureux supplice, quand, à quelques pas de là, vous vous arrêtez à l'endroit où il apparut à Madeleine sous l'habit d'un jardinier. En apercevant dans sa gloire celui que vous avez vu souffrant, vous vous sentez soulagé, et vous quittez ce lieu avec moins de tristesse. Marc M. Dan, archive.org, licence Creative Commons. Pas d'utilisation commerciale. Partage à l'identique.